tu me kiffes, mais je suis parti quand même. Rien ne m'oblige, mais je suis parti quand même. J'ai mon pare-balles et que Dieu soit loué. Le soleil se couche, souvent je pense à demain. J'ai toujours le doigt sur le Beretta. C'est que quand il pleut que je verse des larmes. Que les plus grands qui m'ont convoité. Depuis bas âge j'ai vu qu'ils mentaient. Mais je leur ai dit ça fait trop longtemps. Bientôt c'est moi qui mènera la donne. Personne n'a cru, j'étais sûr de moi. À bon entendeur. Parano, ils ont dit qu'on n'était pas comme. On l'a fait, on l'a dit, on a même fait turn. Je parle bien, je fais ma vie. Bientôt très loin j'irai. Ils ont vu, je fais la maille. Je mets du gyro. J'ai fait ce qu'il est giro. Un peu de 22 devant le métro. C'est pas les 22. Ça fait la guerre ou ça fait la malade. Et dans ta compo, pas que des rombos. Fais péter le joint de la la la. Toujours dans le ghetto la la la. Je suis là pour les pesos la la la. Pour le mili, faut le savoir. Fais péter le joint de la la la. Toujours dans le ghetto la la la. Je suis là pour les pesos la la la. Pour le mili, faut le savoir faire. Bébé me kiffe, mais je suis parti quand même. Elle m'oblige, mais je suis parti quand même. J'ai mon pare-balles, et que Dieu soit loué. Le soleil se couche, souvent je pense à demain. On a fait du sale, ça c'est regrettable. On a fait des choses sans passer d'étape. Aucune misère sera répétée. Pas le ghetto, un ami tête. On a connu tous les brigantés. Tous les pharmacies et les mains gantées. Maintenant que j'ai veulent manger mon pain. Regarde mes posters. Joint de weed, viens de meudeur, on appelle les pompiers. Oh la vida, quelle vie de dingue. Dans l'avocat, on a niqué sa mère. Heureusement impliqué, trop impliqué, on arrive dans le. J'ai fait ce qu'il est giro, un peu de 22, devant le métro. C'est pas les 22, ça fait la guerre, ça fait la malade. Et dans ta compo, pas que des rombos. Fais péter le joint de la la la. Toujours dans les ghettos, la la la. J'suis là pour les pesos, la la la. Pour le mini, faut le savoir. Fais péter le joint de la la la. Toujours dans les ghettos, la la la. J'suis là pour les pesos, la la la. Pour le mini, faut le savoir faire. Bébé me kiffe, mais je suis parti quand même.